Et voilà, depuis qu'il a été chez Atoll, papa il peut de nouveau voir son poids sur la balance. Mais voilà, il faut quand même qu'il rentre le ventre. Bénéficiez d'un examen de la vue offert chez votre opticien Atoll en prenant rendez-vous sur atoll.fr. Ce test n'est pas un examen médical, voire conditions sur atoll.fr. Bonjour tout le monde, bonjour Xavier Mauduit. Je vous propose de redécouvrir notre série sur Erasme, penseur du XVIe siècle, pas toujours très bien connu malgré le fameux programme Erasmus. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Poursuite ce matin de notre série consacrée à Erasme, il est temps de nous pencher sur ce texte d'Erasme devenu un best-seller de la Renaissance européenne, son Éloge de la folie, publié en 1511. De texte que cet éloge de la folie. Erasme l'aurait rédigé en 1509 en quittant l'Italie et en rejoignant en Angleterre son ami Thomas More. Peut-être en partie dans sa voiture tirée par des chevaux, peut-être à son arrivée chez More. En tout cas, le nom de More pourrait l'avoir inspiré. En grec, le titre est Encomion Morias, Moria étant le mot grec pour folie. En latin, c'est Stultitiae Laus, louange à la sottise, ce qui suggère déjà indécence à donner à cette folie. En tout cas, rien n'est simple, ni univoque dans cet ouvrage où c'est la folie avec un grand F personnifiée qui parle, énonce ce qu'elle apprécie et ce qu'elle déteste. Faut-il prêter foi à ce que dit cette singulière déesse nommée folie, ou bien tout comprendre en renversant les choses, en admirant ce qu'elle honnit et en s'éloignant de ce qu'elle aime, ou encore faut-il faire les deux choses en même temps, prêter oreille à certaines de ses sagesses, mais faire attention en même temps à ses dangereux penchants. Au fond, le fou, c'est quelqu'un qui a été vu avant, si vous voulez, d'être entendu. La représentation du fou sur le tableau, ou encore son imitation dans la fameuse fête des fous, ou sa manifestation sur une scène de théâtre, c'est des choses qui étaient courantes au Moyen-Âge, surtout à la fin du Moyen-Âge et au XVIe siècle. Mais ce que disaient réellement les fous, ce qui passait à travers ce masque de la folie, à cela on ne prêtait pratiquement pas l'oreille. Et si vous regardez les discours que l'on prête aux fous dans le théâtre du XVIe siècle, dans le théâtre baroque, regardez les paroles de fous que Shakespeare prête à ces fous, c'est des paroles qui sont complètement fictives et conventionnelles. Le personnage du fou dans le théâtre de cette époque-là, dans le théâtre, disons, pré-classique, le personnage du fou, il a toujours une fonction. Il s'agit de lui placer dans la bouche des paroles plus vraies que la vérité des gens qui ne sont pas fous. Le fou est un voyant. C'est celui qui voit au-delà, qui voit mieux, qui dit mieux, qui, avec une espèce de naïveté qui n'est naïveté que pour les hommes, voit très profondément l'envers des choses, c'est-à-dire leur vérité. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Vous venez d'entendre le philosophe Michel Foucault qui s'exprimait là sur Radio-Canada en 1973 et rappelait que la folie n'était pas, jusqu'à l'âge classique, c'est-à-dire jusqu'au XVIIe siècle, un état suscitant une curiosité pour elle-même. Les fous, en fait, étaient l'objet de projections diverses. On les croyait détenteurs d'une sagesse. Ils étaient regardés plus qu'écoutés, dit-il. Regardés d'ailleurs surtout de loin, entourés de ce que Foucault appelait un cercle sacré. Alors Erasme, dont nous allons parler aujourd'hui avec nos deux invités, ne fait pas exception à cette règle. Nous avons donc dans son texte une folie qui parle et ses prétextes à dire mille choses. Encore une fois, comment entendre son discours? C'est ma question ce matin avec mes deux invités. Bonjour Blandine Perrona. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université des Hauts-de-France à Valenciennes et membre junior de l'Institut de France, spécialiste de la pensée du XVIe siècle en Europe. On vous a d'ailleurs déjà reçu pour parler de Montaigne. Et bonjour Virginie Leroux. Bonjour. Vous êtes directrice d'études à l'École pratique des hautes études, spécialiste de la langue et de la littérature néo-latine. Vous êtes mes Sherlock Holmes. Ce matin, je voudrais comprendre tous les mystères de cet étrange livre d'Erasme, Éloge de la folie, si c'est possible de les lever. Pour commencer, voici un extrait de la dédicace d'Erasme à Thomas More dans ce texte même, au début de l'ouvrage, très très très ambigu. Écoutez. Rien n'est plus sot que de traiter avec sérieux de choses frivoles. Mais rien n'est plus spirituel que de faire servir les frivolités à des choses sérieuses. C'est aux autres de me juger. Pourtant, si l'amour-propre ne m'égare, je crois avoir loué la folie d'une manière qui n'est pas tout à fait folle. À qui me reprocherait de mordre ? Je répondrai que l'écrivain eut toujours la liberté de railler impunément les communes conditions de la vie, pourvu qu'il n'y fît pas l'enragé. Et si quelqu'un se lève et crie qu'on l'a blessé, c'est donc qu'il se reconnaît coupable, ou tout au moins s'avoue inquiet. Je me suis abstenu pour ma part de nommer quiconque, et j'ai tellement modéré mon style que le lecteur intelligent verra sans peine que j'ai cherché à amuser, nullement à déchirer. S'il reste un obstiné, que ses raisons n'apaisent point, je le prie de songer qu'il est honorable d'être attaqué par la folie, puisque c'est elle que je mets en scène avec tous les traits de son personnage. Et vous avez entendu Riad Kera lire ce texte de Thomas More, auquel je crois intentionnellement, Erasme a voulu que nous ne comprenions rien, ou en tout cas peu de choses. Il nous dit donc que la frivolité de cette folie qui parle en réalité suggère quelque chose de sérieux, qu'en même temps ces attaques sérieuses ne sont pas si graves, il s'agit d'amuser. Il marche sur les œufs, notre ami Erasme, mes chers invités. Blandine Perrona. Alors oui, je pense que plusieurs fois vous avez insisté à juste titre sur déjà l'énonciation de l'éloge de la folie, même si là on est bien dans la lettre d'Erasme à More. Donc il y a une subtilité de la situation d'énonciation qui fait que folie est une énonciatrice ambiguë. C'est un premier problème que vous avez soulevé. Et puis, dans sa lettre à More, il montre aussi qu'il y a une sorte de piège herméneutique dans l'extrait qu'on a entendu. C'est assez clair puisqu'il dit, un peu comme Jérôme, et il fait référence à Jérôme, Jérôme avait dit dans une de ses lettres « Je sais que j'en enfoncerai beaucoup par une dissertation générale sur les vices, mais en s'irritant contre moi, ils révèlent leur propre conscience. » Donc là, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ce passage. C'est lorsque Erasme annonce qu'il va offenser, et en même temps, il dit mais moi, je n'offense personne, je ne fais que dénoncer les vices. Si vous vous reconnaissez dans ces vices, c'est vos propres vices qu'il faut dénoncer, mais pas moi. Et donc là, il y a aussi une façon, alors, à la fois de montrer la subtilité du texte et aussi de désamorcer l'accusation qui ne manquera pas d'arriver. La folie, si je comprends bien, dès cette dédicace, la folie avec un grand F, cette déesse qu'il fait parler, Erasme, est présentée comme pouvant être sage. Elle va prononcer quelques éloges, elle va envoyer quelques attaques qui ne sont pas graves, dit-il. Et donc, il y aurait quelque chose en elle qui ne serait pas tout à fait fou, c'est ce qu'il dit. Mais dans le même texte que nous venons de lire, il nous demande de prendre un peu les choses déjà à l'envers, puisqu'il dit « il est honoré d'être attaqué par la folie ». Ça veut dire que si elle vous envoie une pique, en fait, moi, Erasme, je vous fais honneur. On ne comprend rien, c'est volontaire. Faut-il croire ces attaques ou au contraire les entendre, quand la folie fera des attaques, comme des honneurs cachés ? Virginie Leroux. C'est toute l'ambivalence du texte d'Erasme, c'est-à-dire que folie, parce qu'elle maîtrise très bien la question de la folie, est capable de dénoncer tout ce qui relève de la folie dans le monde. Enfin, elle dit que c'est sa patte, que c'est ses enfants, elle ne les dénonce pas, elle les aime. Alors ça dépend lesquels, voilà. Ouais. Je dirais qu'il y a pas. Pour le coup, il y a deux sortes de folie. Et elle le dit dans le chapitre 38. Oui. Il y a des fous qui ne sont pas ses enfants. Et donc, les fous qui ne sont pas ses enfants sont ceux qui relèvent des différents types de fureurs, dit-elle. Donc, il y a les Erénies, donc ce sont les déesses de la vengeance. Donc, cette folie-là, elle n'en veut pas. Il y a Alecto qui, dans l'Énéide, va déclencher la guerre. Cette folie-là, elle n'en veut pas. Les incestes, les crimes. Donc, toute cette folie-là, elle est capable de l'identifier en tant que spécialiste de la folie, mais elle ne la revendique pas. La folie qu'elle revendique, c'est une folie douce, une folie joyeuse, une folie qui ne fait pas de mal. Donc, elle opère tout de même des distinctions qui nous permettent de nous frayer une petite voie. Mais pour disant comprendre. Cela, est-elle fiable? C'est-à-dire que nous devons faire comme elle, choisir cette bonne folie qu'elle prétend incarner, écouter, prendre au premier degré ce qu'elle dit. Ou bien, puisqu'Erasme écrit « il est honorable, il est un honneur d'être attaqué par la folie », entendre le contraire de ce qu'elle dit. Ces mauvais enfants sont peut-être pour nous de bons enfants. C'est toute la difficulté. C'est-à-dire que il est des cas où c'est clair, par des marques d'ironie ou parce qu'elle, on peut. Enfin, la difficulté plutôt, c'est que très souvent, on est obligé pour voir la part qu'Erasme prend dans le discours de la folie, enfin à quel point ce qu'il prend à son compte, de s'en référer aux autres œuvres d'Erasme, et qu'on n'a pas toujours au sein du texte les indices. Et oui, c'est toute la difficulté. Alors ce vertige du texte, c'est magnifique, c'est probablement ce qui fait que c'est une pièce extraordinaire, le fait même qu'on soit perdu, c'est un vertige sceptique, évidemment, Blandine Perrona. Alors, ce qui soulève des questions passionnantes. Vous m'avez vous-même expliqué, on en parle souvent dans cette émission, parce que je reconnais humblement que j'adore les sceptiques, qu'il y a plusieurs courants, il y a deux grands courants. L'un qui était vraiment radical, venant directement de Piron, qui pensait même qu'il fallait douter de tout, y compris du fait qu'il faille douter, vertige absolu. Mais ce n'est pas ce courant qui a été le mieux connu longtemps au Moyen-Âge, par Augustin, par Cicéron, et même encore jusqu'au milieu du XVIe siècle, on connaissait mieux les plus modérés, qu'on appelait les académiciens. Mais là, franchement, Erasme me donne l'impression d'un pyrrhonisme radical très en avance sur son temps. Je me trompe ? Alors, il y a quelques critiques, je pense par exemple à Plinio Smith, qui sont des spécialistes du scepticisme, qui ont tendance parfois à minimiser la différence entre la nouvelle académie et le scepticisme. C'est une espèce de coup de force de Piron qui dit bon, en fait, les académiciens, vous n'êtes pas des, enfin les nouveaux académiciens, vous n'êtes pas des véritables sceptiques parce que vous affirmez qu'on ne peut pas savoir. Mais en fait, dans la pratique, ce sont des praticiens du doute. Et pour il ne faut pas forcer trop l'opposition. Il me semble qu'il ne faut pas forcer trop l'opposition. Et effectivement, pour rebondir sur ce qu'a dit Virginie Leroux, il y a une espèce de vertige, mais qui procède peut-être moins du texte. C'est-à-dire que quand on lit le texte, même si l'interprétation n'est jamais aisée, bien sûr, mais on sent les tendances entre une folie qui serait positive, une folie qui serait négative. Oui. Il me semble que le doute est un doute qui vient moins de la lecture que de la projection dans l'expérience éthique que l'éloge de la folie nous invite à faire. C'est-à-dire que il me semble que ce texte est autant un texte sur la folie que sur l'amour. Et que quand on aime à la folie, eh bien en fait, il peut y avoir quelque chose de magnifique et qui est de l'ordre vraiment de la charité. Ou alors d'un aveuglement coupable parce que on va aimer aussi passionnément un vice. Et là, en fait, dans le texte, la différence entre ce qui est en fait la charité et la philotie, un amour fou et un amour fou parce qu'il est aveugle sur les vices, dans le texte, on arrive à faire la différence. Mais oui, mais elle dit quand même souvent tout et son contraire. Vous êtes d'accord? Non. Début, elle semble vraiment louer la gaieté, la joie simple, en voyant des pics aux philosophes qui se posent trop de questions. Et puis, dans la deuxième grosse partie, c'est un peu le contraire. Il y a une folie du savoir aussi qui l'intéresse. Donc, comme elle dit tout et son contraire, elle me fait penser à ces pyrrhoniens radicaux qui disaient « Mais le miel, il est aussi doux qu'il est amer, on peut toujours dire d'une chose son contraire en même temps. » Ça, c'est vraiment la radicalité pyrrhonienne, les sceptiques vertigineux. Totalement. En tout cas, ce qui est déroutant, et il me semble que je pense qu'elle veut nous faire goûter cette expérience du vertige, mais que le vertige est, il me semble, encore plus fort quand il est intérieur, c'est-à-dire quand on s'interroge sur la nature de son amour pour savoir si c'est un amour pur ou un amour mêlé. Mais je suis tout à fait d'accord avec votre lecture. Vous avez une lecture, et ça m'intéresse beaucoup, qui quand même sort une ligne ferme. Mais on va bien sûr voir ça à l'épreuve du texte. Virginie Leroux, en fait, on dit donc souvent que ces deux veines, et notamment la sceptique pyrrhonienne la plus radicale, a commencé à être bien connue avec la traduction en latin de deux textes de Sextus Empiricus, qui précisément dit, voilà, il y a deux veines, etc. Et ça se fait dans les années 1560, par deux éditeurs, traducteurs, Jean-Tien Hervé et Henri Estienne, qui traduisent deux textes importants. Mais en vérité, Erasme, il n'avait pas du tout besoin d'attendre tout ça, car il a appris le grec. Tout notre premier épisode montrait à quel point il a très vite senti, dès les dernières années du 15e siècle, qu'il était obligé d'apprendre le grec. Donc qui sait, il avait tout lu déjà en grec. Alors il est possible qu'il ait eu accès à ces textes parce qu'ils circulaient. On sait que Savonarole avait des manuscrits. Donc c'est possible. Après... Sur la question que vous posez, c'est vrai qu'il est... Il est difficile de savoir s'il faut y voir un pyrrhonisme radical ou quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la Nouvelle Académie. Et ce qui est rassurant, si je puis dire, mais c'est peut-être parce qu'on a envie de se rassurer, c'est que dans la Nouvelle Académie, on est dans un monde probabiliste. Donc oui, il y a du doute sans cesse, mais... on est tout de même amené au sein de ce doute à se déterminer en fonction de principes. Et peut-être que je ferai un rapprochement sur la nature de ce doute et ce qui fait qu'on est dérangé avec l'éthique chrétienne qu'il propose dans le manuel du soldat chrétien. Mmh. Parce que dans le manuel du soldat chrétien, il y a des règles, il y a des canons, donc on a l'impression qu'on a des principes fermes auxquels se tenir. Et puis, à un moment, il explique qu'il y a trois principes. Donc, il y a des choses, sont des neutres pluriels en latin. Il y a des choses qui sont honesta, honnêtes. Il y a des choses qui sont turpia, honteuse, et là il les définit. Donc turpia, c'est se venger, faire du mal à quelqu'un, et puis honnête, c'est faire du bien, et c'est bien traiter ses amis selon des rationibus honestis. Alors bon, qu'est-ce que c'est, voilà, c'est-à-dire je ne sais pas. Ça veut dire des raisons honnêtes. D'accord. Mais ça peut être pour des raisons honnêtes ou avec des moyens honnêtes. Donc déjà, vous voyez, si on veut traduire, il y a une ambiguïté. Et il dit, et il y a des choses qui sont médias entre les deux. Et ces médias, on les a interprétés comme les indifférents stoïciens. Mais même qu'il y a une attaque des stoïciens folie, tout à fait, à peu près toutes les 10 pages. Toutes les 10 pages, mais bon, voilà. Mais tout ça est très compliqué. Moi, j'adore être perdue, mais c'est vrai que c'est dur à expliquer. Ça veut dire qu'il y a une zone d'indétermination, parce que beaucoup de choses n'ont pas de valeur axiologique intrinsèque. D'accord. Alors, on va prendre des exemples. Oui. Donc, on a tout le début du texte où la folie avec un grand F, cette déesse fait l'éloge de la joie de vivre, de la joie simple aussi, ne pas trop se poser de questions, ne pas ratiociner comme les philosophes et les théologiens compliqués. Alors, on va écouter un extrait. C'est un hymne à l'enfance aussi, à la joie de l'enfance, qui reviendrait, oserais-je dire, dans la vieillesse, surtout quand elle devient un petit peu gâteuse. On l'écoute, la folie, lue par notre équipe d'Avec Philosophie. Tout ce qu'il y a de bon dans la vie, vous me le devez. Que serait la vie, en effet, et mériterait-elle son nom si le plaisir manquait? Vos applaudissements m'assurent que je dis vrai. Pas un de vous n'est assez sage, ou plutôt assez fou. Non, disons assez sage, pour être d'un autre avis. Toute heure de la vie serait triste, ennuyeuse, insipide, assommante, s'il ne s'y joignait le plaisir, c'est-à-dire si la folie n'y mettait son piquant. Qui ne sait que l'enfance est le plus joyeux et le plus agréable des âges à vivre? D'où vient le charme des enfants, sinon de moi, qui leur épargne la raison et du même coup le souci? Enfin, voici l'importune vieillesse, à charge à autrui comme à elle-même, et que personne ne pourrait supporter si je ne venais encore secourir tant de misère. Si les mortels se décidaient à rompre avec la sagesse et vivaient sans cesse avec moi, au lieu de l'ennui de vieillir, ils connaîtraient la jouissance d'être toujours jeunes. Ne voyez-vous pas les gens moroses en proie à la philosophie ou aux difficultés des affaires? La plupart vieillit avant d'avoir eu leur jeunesse, parce que les soucis, la tension continuelle de la pensée ont progressivement tari en eux le souffle et la sève de la vie. Mais fou, au contraire, gras et reluisant, la peau brillante, vrai porc d'Acarny, comme on dit, ne subirait jamais le moindre inconvénient de l'âge, s'ils se gardaient entièrement de la contagion des sages. Ils y cèdent parfois, les hommes n'étant point parfaits, parce qu'ils oublient l'adage vulgaire qui est ici de poids. Seule la folie conserve la jeunesse et met en fuite la vieillesse fâcheuse. Un hymne au plaisir jusqu'à devenir de vrais porcs. Et c'est ça qu'elle dit, la folie. Alors évidemment, c'est comme s'il voulait se protéger, ce pauvre Erasme. Il la met en scène et puis il lui fait dire « Bien sûr, vous m'applaudissez, hein, vous m'applaudissez dans ce que je dis, parce que vous êtes sage. Pardon, vous êtes fou. Enfin non, vous êtes sage. » Donc voilà, on est déjà perdu depuis le début. On ne sait pas bien comment il faut entendre cet hymne au plaisir. De fait, c'est un peu subversif, un peu beaucoup. Ça renvoie les philosophes à leur tristesse. Et c'est un hymne à, je sais pas, il y a une espèce de d'épicurisme. Qu'est-ce qu'il faut dire là? Aidez-moi, Blandine Perrona. Moi, j'ai bien envie de dire épicurisme, oui. C'est quelque chose qu'on retrouve chez Montaigne, mais il y a vraiment, et vous l'avez déjà dit à juste titre, une critique récurrente du stoïcisme comme un homme qui serait au-dessus de la douleur, au-dessus des passions. Et l'effort, quoi, de se concentrer très dur pour ne pas se laisser avoir par ses sens et par le voilà, c'est ça qu'il n'aime pas. Et la folie, en tout cas, n'aime pas. Et triste, par conséquent, parce qu'en fait, ils sont amputés d'une partie de ce qui fait l'homme et même de deux. Enfin, je dirais que ils essayent de nier et le corps et la sensibilité affective. Or, et je crois que là, dans toute l'ambiguïté du texte, il y a une vraie célébration de la sensualité et des passions, parce que les passions peuvent être des moteurs de bonnes actions, et bah, parmi les passions importantes, il y a la charité, qui est aussi une vertu théologale, donc il me semble qu'il y a, et que ça rend la vie jouissive et jubilatoire. Et quand il se moque des stoïciens, précisément, il dit, bon, rappelez-moi, enfin, la folie dit pas exactement ça, mais rappelez-moi comment vous avez fait des enfants, déjà. Est-ce que vous-même, vous n'avez pas cédé au plaisir de la chair? Est-ce que vous niez pas ce que vous êtes, c'est-à-dire des corps et des corps qui ont joui? Ouais, c'est pas facile. Il se protège en effet de mettre ça dans la bouche d'Erasme lui-même. Alors il le met dans la bouche de la folie, mais il faut la croire. C'est ce qu'il pense, d'après vous, Virginie Leroux. Et il en profite pour dire tous ces moines masochistes. Il y va quand même, hein, qui ont aucun rapport au plaisir. Tous ces théologiens et philosophes compliqués, ils ont tort. Pour un humaniste qui aime quand même la chose intellectuelle, c'est plus simple de dire tout cela en le mettant dans la bouche de la folie. Alors. Sûrement que c'est plus simple, et on a vraiment affaire dans ce texte. Alors, j'ai l'impression, peut-être plus dans le début du texte, à ce qu'on a appelé des énoncés glissants. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Là, ce que vous avez cité, pas un de vous n'est sage. Bon, là, on se dit, d'accord. On voit vous qui m'applaudissez. Voilà. Alors, vous qui m'applaudissez, oui. On sait à peu près, elle est en train de parler assez fou. Donc, là, on est à peu près bien. Après, vous n'êtes pas assez sage. Donc, elle fait référence vraisemblablement aux stoïciens, peut-être à certains chrétiens qui considèrent qu'on peut avoir une vertu sans plaisir, ou fou. Alors, la fou, ouais, vertige, ça doit être le discours de la folie. Et puis après, je dis sage, ironie. Et tout de suite après, dans le passage qui est coupé, elle parle des stoïciens pour dire que les stoïciens prennent du plaisir, mais le prennent en cachette. Mmh. Donc, vous voyez, d'ailleurs, ça va venir, les philosophes, les théologiens elle finira par tout renverser et dire, en vérité, vous êtes dans la jouissance. Hein, exactement, aussi. Exactement. Oui. Alors après, sur l'épicurisme, alors là, oui, il avance masqué. Alors vous allez me dire, c'est aussi masqué, mais peut-être qu'une boussole qu'on pourrait avoir, je dis boussole parce qu'on n'est jamais sûr, on peut juste absolument. Avoir des... c'est un colloque, c'est un dialogue, c'est son dernier publié et il s'appelle Les Épicuriens. Ah, d'Erasme, il a écrit directement sur eux. Ça s'appelle Les Épicuriens. Luther l'avait accusé d'être un épicurien. Et l'idée, c'est un peu de dire, oui, j'assume, je suis un épicurien. Et le dialogue fait converser un personnage qui s'appelle Hédonius, donc on voit bien celui qui sacrifie au principe de plaisir, et un autre qui s'appelle Spoudaeos, donc le sérieux. Donc on a un peu la même opposition qu'ici. Et donc il y a une progression au cours de laquelle le personnage d'Hédonius va envisager des plaisirs, un peu poussé par l'autre. Et c'est là qu'on peut avoir une idée... peut-être, mais il le dit pas là exactement comme ça, hein, d'une hiérarchie de plaisir. C'est-à-dire que Spoudaeus lui dit, mais enfin, le meilleur plaisir, c'est l'amour. Alors Erasme dit, oui. Alors, bon, le sexe, d'accord, mais le sexe dans le mariage, puis le sexe, si on le fait pas trop, c'est mieux. Et puis, il vaut mieux peut-être aimer sa femme comme Dieu aime son église. Enfin, et donc, il y a tout un parcours comme ça, qui finit par la piété, finalement, ce qu'il y a de plus jouissif, mais parce que c'est plus jouissif. Donc, envisager, non pas d'un point de vue, du point de vue de la vertu, mais envisager du point de vue du plaisir. Donc, la piété elle-même est un plaisir. Voilà. Propos délicat. Mais quand même, vous venez de parler du mariage, il y a des pages incroyables sur le mariage dans l'éloge de la folie, où Erasme dit... Enfin non, c'est pas Erasme, pardon, c'est la folie. Enfin, c'est lui qui l'a inventée, cette déesse. Elle dit, mais comment les gens peuvent-ils aller dans le mariage, quoi ? Je veux dire, c'est le malheur. Laissons-nous aller aux vraies joies de la vie. C'est le contraire de la vitalité. Alors là, qu'est-ce qu'il faut penser ? C'est ce que croit Erasme, il se protège en le mettant dans le discours de la folie. Il s'est marié, Erasme ? Non. Ah ben non. Non. Ben non, il est prêtre. Enfin, il a permis à ses vœux d'être... il a réussi à obtenir l'annulation de ses vœux. Comme prêtre, à un moment donné. Non, bref, il dit des choses quand même sur la sexualité et sur le mariage qui prétendrait la régenter, qui sont inimaginables pour un prêtre pieux du début du XVIe siècle. Alors il dira, mais ça, peut-être Blandine en parlera mieux que moi, il dira des choses assez subversives, enfin, qui ont été jugées subversives sur le mariage, parce qu'il va même aller... jusqu'à envisager d'autoriser un prêtre qui a fauté à se marier. Mais ça, il le pensait vraiment. C'est pas juste la folie. Non, ça, il le pensait vraiment. Le contraire de ce que dit la folie, c'est Erasme pense ce qu'il fait dire à sa folie. D'un point de vue, je dirais presque pragmatique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'enfant est là, autant oui. officialisé. Mais je, ça, Blandine. Et vous, Blandine Perona, vous pensez quoi de ces pages incroyables où évidemment il est protégé, il met ça dans la bouche de la folie. Il nous dit tellement souvent, il faut entendre le contraire de ce que je lui, de ce qu'elle dit. N'empêche qu'elle dit des trucs incroyables sur le mariage, par exemple. Oui, qui est quelque chose de contraignant, qui ne va pas dans le sens de la vitalité. Oui, alors je reviens sur le cette jouissance qui doit être assumée, parce que sinon ce serait nier son être. Et j'ai été frappée en retravaillant sur ces textes, sur les échos qu'on peut avoir avec la fin des essais, justement la fin de 3.13, où on a une opposition non pas entre le sage et le fou, mais entre l'ange et la bête. Mmh. Et Montaigne dit qu'en essayant de faire l'ange, oui. on devient la bête. Et il y a une revalorisation du plaisir chez Montaigne aussi, mais il me semble que vraiment ce serait quelque chose à creuser. Il y a des échos ouais. entre l'éloge de la folie et la fin, donc 3.13, la fin du chapitre de l'expérience dans les essais. Et Montaigne dit ces sages qui voudraient faire des enfants avec les doigts, il disait s'il fallait vraiment faire des enfants avec les doigts, je voudrais que ce soit faire des enfants voluptueusement avec les doigts. Et donc je oui. pense que là il y a vraiment quelque chose de fort dans cette réconciliation avec le corps. Il me semble que c'est un sens de l'éloge de la folie. Et pour revenir sur les questions sur le mariage, on est quand même dans un contexte où il y a une idée que la vocation supérieure, c'est en tout cas, c'est le célibat, la vocation monastique, et que vient ensuite le mariage. Alors, Erasme n'attaque pas frontalement la hiérarchie, mais quand même, il fait une déclamation sur le mariage en 1518, et il dit, il faut se poser la question de ce qui convient à chacun et chacune, et si certains sont faits pour la chasteté, eh ben, ça peut être un beau choix, et un choix respectable. Alors, il va pas jusqu'à défendre, à renverser la hiérarchie, mais en tout cas, il fait un éloge du mariage, et aussi donc un éloge donc il y a tout et son contraire de la volupté. Ce qui le protège et ce qui est pour nous lecteurs jubilatoires. Alors l'idée de la piété joyeuse et non pas triste ou nette, c'est une idée qui est un problème à l'intérieur même du christianisme. Il faut jamais l'oublier. Et j'en veux pour preuve cet extrait. Alors, c'est une fiction, mais elle touche quand même, me semble-t-il, à un vrai point. Il s'agit d'un extrait du Nom de la Rose que je vais vous faire entendre, film de Jean-Jacques Hano de 1986, réalisé à partir du fameux roman d'Umberto Eco. Ça se passe dans une abbaye de la première moitié du XIVe siècle. Ah, mon frère bibliothécaire, peut-être nous permettriez-vous d'examiner le travail des deux infortunés qui ont été si douloureusement rappelés à Dieu. Votre requête est bien inhabituelle. Les circonstances de leur mort le sont tout autant. Un âne enseignant les Écritures aux évêques. Le pape en renard. Messire l'abbé en singe. Il avait un vrai don pour l'irrévérence et les images de comédie. J'espère que mes paroles ne vous ont pas offensé, frère Guillaume. Mais j'ai entendu rire et j'ai rappelé un des principes de notre règle. Certes, vous, franciscains, vous venez d'un ordre où la gaieté la plus inopportune est vue avec indulgence. Oui, c'est vrai. Saint François, parfois, ne répugnait pas à rire. Le rire est un souffle diabolique qui déforme les linéaments du visage et fait ressembler l'homme au singe. Mais le singe ne rit pas. Le rire est le propre de l'homme. Comme le péché. Le Christ n'a jamais ri. En sommes-nous si sûrs? Rien dans les Écritures n'établit que notre Seigneur ait ri. Rien dans les Écritures n'établit que notre Seigneur n'ait pas ri. Le Christ n'a jamais ri. Mais qu'en savez-vous? Peut-être que le Christ a ri. Débat d'ecclésiastique du début du XIVe siècle dans le Nom de la Rose, qui découvre d'ailleurs que ceux qui ont été assassinés avaient beaucoup de sens de l'humour et de l'irrévérence. Nous sommes dans le problème que soulève deux siècles plus tard Erasme. Virginie Leroux, cette idée d'une foi joyeuse, mais aussi d'une foi un petit peu, foi des simples, un peu des ignorants, peut-être des idiots du village. On entend quand même tous ces cris là, une foi qui n'aurait rien à voir avec l'érudition, mais qui ressemble un peu au fou dont parle Foucault, justement, à la fin du Moyen-Âge et au début du XVIe siècle. Dedans, on mettait plein de monde. Hein. On mettait ces gens qui étaient sur la nef des fous, qui poussaient des petits cris, qui donnaient l'impression de ne pas avoir du tout de rationalité. Mais on disait, il y a un cercle sacré, Dieu est présent là en eux. Erasme reprend ces thèmes. C'est subversif encore au moment où il le fait, en 1511. Alors, pour ce qui est de l'innocence et des enfants, des femmes, enfin des apôtres qui sont plus aptes à recevoir les leçons du Christ ou à adhérer à un message de piété, à l'époque où il écrit, je ne suis pas sûre que ce soit complètement subversif. Alors, il y a quelques résistances avec les apôtres idiotai, enfin idiots. Stultitiae, la fameuse folie qui est bêtise ou sottise aussi voilà, pour lui, pour Erasme. Il y a cette idée qu'il y a dans les évangiles, je ne sais plus où, mais qu'on ne peut pas traiter quelqu'un d'idiot. Donc, il y a ce problème-là. Et en même temps, il y a une valorisation de l'humilité. Et puis de la simplicité. Bon, oui, quand même Augustin, parce que on est dans un monde très augustinien pour le coup, au début du XVIe siècle, le monde chrétien est très augustinien. Augustin avait mis la curiosité, quand même une vertu intellectuelle, que j'ai coutume de saluer ici, je reconnais aussi, comme un vice. C'est le catalogue des vices quand même, la curiosité. Donc il y avait cette idée que la foi doit être simple, une innocence, quelque chose de proche de la nature, qui ne se pose pas trop de questions. C'est quand même... là, un peu, pour le coup, l'air du temps, mais évidemment, on n'aime pas trop creuser. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Blandine Perronaille? Il est dans l'air du temps ou il est subversif en faisant dire cela à son personnage principal, Madame la Folie? Alors, merci beaucoup pour l'extrait, effectivement. Le face-à-face, il me semble, est très intéressant entre ce franciscain et ce moine terrifiant et la discussion sur est-ce que le Christ a ri ou n'a jamais ri. Et il me semble que, dans la règle très sévère, il y a la conviction de ce qu'est le Christ et du coup la conviction de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Mmh. Et chez le franciscain, il y a le doute, c'est « mais qu'est-ce qu'il vous dit ?» Et là, ça ouvre un champ de la liberté. Et il me semble joie. Et de la joie. Et en fait, ce qu'il y a de subversif, me semble-t-il, dans l'éloge de la folie, c'est quand elle critique le savoir, c'est quand elle critique le savoir qui est tellement sûr de savoir qu'il s'en autorise à déterminer des règles qui condamnent la liberté. Mmh. Et là, il me semble que la folie nous dit quelque chose un peu d'Erasme, c'est-à-dire que Erasme est quelqu'un qui fait plus confiance à la personne pour se déterminer qui a beaucoup de règles très fortes. Et donc, celui qui n'est pas capable de rire, d'être joyeux et de laisser tomber un peu ses recherches austères, n'est peut-être pas un vrai pieux. C'est ce que dit la folie avec un grand F, la dame déesse, là. Mais la question est de savoir si Erasme le dit. Vous dites oui. Je pense qu'on peut revenir à la question, parce qu'on aurait peut-être dû le dire, dans les deux folies, il y a la folie du monde et la folie de la croix. Et cette folie de la croix... On y vient à la folie de la croix. Oui, oui. Vous inquiétez pas, j'ai un texte. C'est pour revenir à la question de la loi. En tout cas, ce qu'il y a de nouveau dans le Nouveau Testament, c'est précisément de dire que les lois de l'Ancien Testament ne suffisent pas. Et qu'il y a quelque chose dans la charité que révèle le Christ qui dépasse l'observance des règles. Donc il me semble que oui, dans la piété d'Erasme, il y a quelque chose qui est de ne pas s'en tenir à des lois, mais d'essayer de vivre la charité. Et c'est plus compliqué qu'une observance de règles. Bon, et puis vraiment, ça se complique, parce que dans l'éloge de la folie, il y a quand même aussi des phrases, les hommes ne sont peut-être pas faits pour être parfaitement heureux sur la terre. Alors là, on se dit, en fait, il faut pas tout écouter de ce qu'elle nous a dit, la folie. Il faut aussi savoir que nous n'avons pas forcément à être tout à fait heureux sur la terre. Et puis, il y a ce que nous avons dit tout à l'heure, Virginie Leroux, ces passages, où il dit, mais en fait, c'est moine. Ces théologiens, ces ratiocinateurs, philosophes, ils jouissent En fait, ils ont l'air malheureux et tout, mais ils ont une espèce de jouissance aussi. Et donc, la dame folie, ce qu'elle avait mis en dehors comme n'étant pas ses enfants, en fait, elle les récupère comme ses enfants à un certain moment du texte. Également eux. Virginie Leroux, je vous laisse. Moi, plus on est perdu, plus j'ai l'impression qu'on est fidèle au texte. Donc, je vous laisse y aller. Alors, elle les récupère... Enfin, oui. Elle les récupère... C'est, en fait, voilà, mon problème est de dire elle les récupère comme ses enfants. Ah oui. C'est-à-dire que... Puisqu'elle est la jouissance. Les moines gloutons, elle les récupère comme ses enfants, mais on voit très bien qu'elle leur reproche, d'une certaine manière, d'être inconséquent. Oui. Et de se dire sage ou de se dire pieux et de ne pas l'être. La difficulté, c'est peut-être justement pour la folie des apôtres. Alors on y vient. Mais si vous voulez, on va lire. Alors j'arrête. On va lire le texte. Oui, parce que là, effectivement, après avoir un peu récupéré quand même, philosophe, théologien, moine, dans le domaine de la jouissance, et finalement, voilà, cette ambiguïté, alors même qu'elle les en avait exclus, la déesse folie, voilà qui creuse en fin de livre surtout, l'idée que la vraie piété, oui, est joyeuse, oui, est simple, et est folle. Et est folle, et qu'il y a une folie et du Christ et des apôtres, qu'on peut lire d'ailleurs dans les textes, en particulier chez Paul. Je vous laisse entendre cet extrait de l'éloge de la folie. Ce grand roi Salomon n'a pas rougi du titre quand il a dit « Je suis le plus fou des hommes ». Et saint Paul, le docteur des nations, le revendique délibérément dans l'épître aux Corinthiens. « Je parle en fou, dit-il, l'étant plus que personne. » Comme s'il était humiliant d'être surpassé en folie. Dans saint Luc, Jésus ne donne-t-il pas le nom de fou aux deux disciples qu'il a rejoints sur le chemin d'Emmaüs? Et peut-on s'en étonner, puisque notre saint Paul attribue à Dieu lui-même un grain de folie? « La folie de Dieu, dit-il, est plus sage que la sagesse des hommes. » Ça, c'est magnifique, parce que en fait, elle enfonce le clou, et Erasme enfonce le clou. Il y a une folie des apôtres, du Christ et de Dieu lui-même, et c'est dans les textes. Alors, Michel Foucault, dont nous sommes partis, donc philosophe du XXe siècle, qui travaillait sur ce problème des représentations de la folie, disait que ce thème de la folie du Christ va encore exister au XVIe siècle, puis il va être recouvert comme tabou pendant tout l'âge classique où la folie ne sera vue que comme l'envers de la raison. On n'a pas du tout envie de mêler Dieu à cela. Il faudra attendre certains grands romantiques au XIXe siècle pour faire ressurgir ce thème magnifique de la folie des croyants, du Christ, des apôtres et de Dieu lui-même. Donc Erasme, là, c'est lumineux, il l'assume. Et là, pour le coup, la folie, avec un grand F, la déesse, il faut la croire. Virginie Leroux, c'est complètement fou d'être croyant, mais c'est ce qui est beau. Oui, je crois que c'est exactement ce qu'il veut dire. Pour le coup, Erasme a beaucoup contribué à remettre au jour cette question de la folie des apôtres, de la folie de Dieu. Ça va lui être reproché, c'est-à-dire qu'un théologien qui s'appelle Peter Sutor va lui dire mais tu blasphèmes. Mais c'est la folie qui parle, donc il est tranquille. Hein. Mais c'est pas ça qu'il va répondre. Qu'est-ce qu'il va répondre, il va répondre, oui, je blasphème, mais je blasphème avec Paul et avec les pères de l'Église. Ah là, il assumera. Il assume complètement. Et précisément, je pense que s'il faut le prendre au sérieux, il y a un très épais livre de Michael Scritch sur cette question qui va aller compiler toutes les paraphrases, toutes les traductions, tous les commentaires d'Erasme sur les passages scripturaires qui font mention de la folie de Dieu, sur Origène, sur saint Bernard, pour montrer qu'il faut prendre cette question extrêmement au sérieux. Je vais vous entendre, évidemment, Blandine Perona, sur ce thème très sensible et très important. Mais je voudrais préciser pour nos auditeurs que tandis qu'il évoque, je parle d'Erasme, à travers cette déesse folie, la folie de la foi, il va aller très loin et il va récupérer dans la folie des chrétiens, valorisée, les philosophes eux-mêmes, qui, tel le philosophe de Platon, a une espèce de folie. Il sort de la caverne, il va chercher la lumière, et d'ailleurs, il ne sera pas tellement cru à son retour. Enfin, ça va être difficile pour lui. On écoute ce très beau passage encore de l'éloge de la folie. Les fous les plus extravagants ne sont-ils pas ceux qui ont saisi tout entier l'ardeur de la piété chrétienne ? Ils prodiguent leurs biens, négligent les injures, supportent la tromperie, ne font aucune distinction d'amis et d'ennemis, ont en horreur le plaisir, se rassasient de jeûnes, de veilles, de larmes, de labeurs et d'humiliations. Ils ont le dégoût de la vie et l'impatience de la mort. En un mot, on les dirait privés de tout sentiment humain, comme si leur esprit vivait ailleurs que dans leur corps. Que sont-ils donc, sinon des fous ? Et comment s'étonner que les apôtres aient paru des gens ivres de vin doux, et que le juge Festus ait pris saint Paul pour un insensé ? Je me rappelle ici la fiction platonicienne de ces prisonniers enchaînés dans la caverne, d'où ils n'aperçoivent que les ombres des objets. Un d'eux, qui s'est enfui, revient dans l'antre, leur conte qu'il a vu les objets réels et démontre par quelle grave erreur il croit qu'il n'existe rien au-delà de ces ombres misérables. Étant devenu sage, il a pitié de ses compagnons et déplore la folie qui les retient dans une telle illusion. Mais eux, à leur tour, rient de son délire et le chassent. Il en est de même du commun des hommes. Ils s'attachent étroitement aux choses corporelles et croient qu'elles sont à peu près seules à exister. Les gens pieux, au contraire, négligent tout ce qui touche au corps et sont ravis tout entiers par la contemplation des choses invisibles. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Nous sommes toujours en train d'arpenter les chemins escarpés de l'éloge de la folie, ce best-seller du XVIe siècle, écrit par Erasme, publié en 1511. Et nous avions beaucoup dit que dans au moins toute une longue partie de l'éloge de la folie, la déesse folie parlait des corps et de la vitalité et du plaisir, disant que ceux qui n'aiment pas tout cela sont en dehors du coup. Et alors on se demandait si Erasme prenait à son compte ou non ses propos de la folie. Et puis dans la deuxième partie, la folie qui après tout n'a pas besoin d'être toujours cohérente, dit le contraire, dit là que dans le texte qu'on vient d'entendre, ceux qui ont le dégoût de la vie, et en un sens la folie des textes, la folie de tout ce qui ne relève pas du corps, peut-être les mystiques aussi, eh bien sont aussi ces enfants, ce sont aussi des fous. Et d'ailleurs le philosophe platonicien qui sort de la caverne en fait partie. À la fois on n'y comprend plus rien, ce qui est normal, c'est un texte pyrrhonien vertigineux, mais Blandine Perrona, on compare quand même, mine de rien, le Christ au philosophe platonicien. C'est pas rien. Oui, alors il y a vraiment énormément de choses. Et je remercie Virginie Leroux qui m'avait refait lire le texte d'une façon assez intéressante. C'est vrai qu'on ne peut pas ne pas être frappé quand on écoute. Ils ont le dégoût de la vie et l'impatience de la mort. En un mot, on les dirait privés de tout sentiment humain, de se dire mais ces fous-là, on dirait bien les stoïciens quand même. Enfin, c'est-à-dire, ils sont totalement privés de tout sentiment humain. Et en fait, ça renvoie, me semble-t-il, à une citation de la pièce de Terence qui est présente dans l'éloge de la folie, qui dit que rien de ce qui est humain m'est étranger. Donc là, c'est quand même étrange. En fait, il y a quelque chose d'assez saisissant dans cette ressemblance entre les stoïciens et ceux qu'on pourrait dire les mystiques. Mais il me semble que toute la différence est précisément dans le fait que ces hommes sont portés par la charité, la foi et l'espérance et les vertus théologales. Mais même les stoïciens, platoniciens. Non, pas les stoïciens. Je parle vraiment ici des mystiques qui sont mis en scène. Mais ils sont fous comme l'était Paul et le Christ et Dieu et tout ça, il nous l'a expliqué. Mais c'est vrai que oui. Là, il y a un vertige parce qu'ils ressemblent quand même drôlement aux stoïciens dans la description. Mais d'accord. En même temps, tout de suite après, on a des apôtres qui sont des gens comme ivres de vin doux. Et il me semble que là, en fait, il y a quelque chose en fait qui fait qu'ils sont différents des stoïciens, parce que c'est quand même assez fantastique que pour dire cette folie mystique, ben finalement, Érasme reprend une image d'une volupté qui est une volupté de la chair. Et oui. Même qu'il vient dire qu'ils ont le dégoût de la vie. Exactement. Donc il y a quand même de la jouissance, même chez ceux qui semblent dégoûtés de la vie. Et surtout, la fameuse raison philosophique qui semblait, dans toute la première longue partie du texte, être éloignée de la vitalité et du plaisir, se retrouve une enfant de la folie, elle aussi. Et au bon sens du terme, elle est pleine de plaisir et de jouissance. Et finalement, tout le monde est un peu fou et c'est heureux, Blandine Perronat. Ou alors qu'il faut entendre tout le contraire, tout le monde est fou et justement, Érasme condamne tout le monde. On est complètement perdu à la fin de ce texte, Virginie Leroux. Moi, je préférerais qu'on entende que tout le monde est fou et que tout le monde est heureux. Oui. Parce que je pense aussi que c'est ce qu'elle dit, elle, la déesse, en tout cas. Mais je pense folie. Aussi que c'est ce que pense Érasme. Pour revenir sur ce que disait Blandine, alors, que je remercie aussi parce qu'elle m'a tirée du côté du stoïcisme. Donc je pense que chacune, c'est la paire idéale ce matin. Voilà, chacune, c'est beaucoup apporté. Sur la question du plaisir, c'est vrai que le début du texte, il est déroutant parce qu'on a l'impression de retrouver le sage stoïcien et qu'on a bien compris que c'était l'ennemi. En même temps, pour revenir sur la question de l'humanité, précisément, ici, on est en train de parler des saints. Et la spécificité des saints, c'est qu'ils sont divins et qu'ils ne sont plus humains. Ils n'ont plus vraiment de corps. On ne sait pas bien. On ne sait pas bien. Sur la question du mysticisme chez Érasme, c'est quelque chose de compliqué. Ah, parce oui. que, en plus, il passe par Platon pour dire l'extase mystique, c'est comme la folie, la mania érotique. Et on ne sait jamais, en fait. Chez Paul, par exemple, on ne sait pas si on sort du corps ou si on ne sort pas du corps. Ce n'est pas aussi précis qu'il le dit. Mais je pense qu'il veut mettre l'accent sur un type de félicité. C'est-à-dire qu'eux, ils ont une félicité spirituelle, très, très claire. Mais ce n'est pas pour ça que les autres types de félicité sont décriés. C'est toute la question, en tout cas. Bon, donc, conclusion. Si j'ose dire, ce qui est aberrant pour un sceptique, évidemment. Il faut quand même la croire beaucoup, cette folie qui parle. Elle sert à protéger un peu Érasme des choses insolentes qu'il aurait envie de dire. Est-ce que ses attaques contre certains sont justes et sont pensées par Érasme? En même temps, on voit bien qu'elle attaque certains personnages et puis qu'après, qu'elle les réhabilite. Elle les réhabilite, ces philosophes qui n'aiment pas trop le corps et la jouissance du corps, mais qui jouissent autrement. Au fond, c'est Érasme quand même, non? Qu'est-ce que vous en dites pour finir, Blandine Perronat? C'est vraiment une question piège. Et en plus, vous savez quoi? Vous avez 30 secondes. Alors, juste pour dire, je pense que c'est peut-être la folie en moi qui parle. On pourrait gloser un petit peu comme ça la prosopopée de l'éloge de la folie. Et on ne peut pas non plus... Il y a un aveuglement, c'est-à-dire que Érasme ne sait jamais non plus véritablement ce qu'il pense profondément. Ça, c'est l'expérience du sceptique. Donc dire qu'il pense follement et qu'il ne sait pas véritablement ce qu'il pense... Ça peut amener vers l'idée que quand folie parle, c'est aussi un peu Érasme. Érasme ne sait pas toujours bien ce qu'il pense. C'est la folie et la sagesse en même temps, non, Virginie Leroux? Oui, je pense qu'on entend Érasme, mais ce qu'on retient, c'est le doute. Et le doute, c'est la nuance, et ça n'empêche pas l'exigence éthique. Just knew too much. Et vous aurez peut-être reconnu Crazy, cette chanson de Niarz Barclay de 2006. Merci Riad Kera pour le choix de cette musique. Merci toute notre équipe. Vous avez lu des textes, mais aussi Carla Michel a lu pour nous des textes d'Erasme ce matin. Merci Blandine Perrona et Virginie Leroux, nos invités d'aujourd'hui qui ont dit des choses tellement fines sur l'éloge de la folie d'Erasme. Il est temps à présent de retrouver Frédéric Worms qui cette semaine nous parle du tragique et de la loi. Voici le pourquoi du comment. Comment la philosophie résiste-t-elle au tragique ? Le tragique est une catégorie de la pensée humaine qui revient spontanément devant certains actes terribles et c'est aussi une catégorie qui est inspirée de certains genres théâtraux, en particulier de la tragédie grecque, qui revient elle aussi à chaque drame de l'humanité pour nous inspirer avec certaines figures comme Antigone ou Hamlet. Mais le tragique a aussi une troisième dimension. Le tragique, c'est aussi une catégorie philosophique. C'est une essence dégagée par certains philosophes à la fois pour penser ce qui se produit dans la vie humaine, les actes et les fautes des humains qui entraînent des catastrophes en chaîne et la façon dont les Grecs, mais aussi évidemment d'autres tragédies dans l'histoire de l'art et peut-être ce qu'il y a de tragique dans tous les grands récits des cultures et des religions, la façon donc dont le tragique a décrit quelque chose de notre condition. Les philosophes ont donc construit le concept du tragique. Et en construisant ce concept du tragique, on peut avoir l'impression, évidemment, qu'il cherche à y résister, à montrer les moyens d'y répondre dans la vie humaine, mais peut-être aussi ont-ils trahi l'essence du tragique, qui est d'être réfractaire, qui est de toujours revenir comme une épreuve indépassable, insurmontable. Et la tentation des philosophes, c'est de résister au tragique en résistant aussi à ce qu'il a d'irrésistible, en cherchant à le dépasser, à l'éliminer. Il y a donc deux tendances dans la philosophie. Cette tendance qui consiste à situer le tragique comme un moment de la vie humaine. Et Hegel, notamment dans la phénoménologie de l'esprit, est le grand nom qui incarne cette tendance. La façon dont il a situé le conflit entre Antigone et Créon, la révolte de la justice individuelle incarnée par un individu contre la loi de la cité devant la même faute d'un même homme, à savoir ici Œdipe, ou par exemple la division entre les deux frères d'Antigone, les deux fils d'Œdipe qui se sont entretués et dont elle veut réparer la division tragique. Oui, la façon dont deux manières de traiter le tragique s'oppose dans la tragédie entre Antigone et Créon, cette dialectique, pour dire le mot de Hegel, voilà qu'elle est dépassée par la philosophie. Il faut intégrer le moment moral au moment politique et la philosophie, dans sa rationalité, permet de situer le tragique, d'en faire le moment de la division pour penser la réconciliation dans l'unité de l'universel, de l'État et de l'histoire. Mais peut-on ainsi résister au tragique ? Ne faut-il pas, au contraire, faire sa place à ce que là acte individuel à d'irrémédiable, à la façon dont la faute a créé une perte irréversible et dont la loi peut certes y répondre, mais d'une manière qui ne reviendra jamais à le défaire, à l'éliminer ou à le réduire. D'une certaine façon, la philosophie doit aussi résister à sa propre tentation d'éliminer le tragique. Ainsi, Kierkegaard a-t-il opposé à Hegel, évidemment, la persistance du drame, du choix individuel, la persistance de la conscience du tragique comme ce qui fait passer précisément la conscience morale, non pas de l'éthique à la politique, mais de l'éthique au religieux au sens de Kierkegaard, c'est-à-dire au fait d'assumer le gouffre du tragique pour parvenir à travers le vertige de la liberté au stade ultime de la responsabilité humaine. La philosophie ne peut pas toujours éliminer le tragique. Un auteur comme Paul Ricoeur, lui-même, dans son grand livre « Soi-même comme un autre », où il construit une dialectique de la vie humaine et de l'altérité a réservé un interlude au tragique avec en creux la disparition de l'un de ses enfants lui-même, un interlude au tragique que la philosophie ne peut pas insérer dans un système sinon comme une parenthèse, sinon comme un rappel de notre condition. Avec Philosophie peut bien entendu être retrouvée en podcast. Cette émission a été réalisée par Riad Kera avec à la technique Ruben Karmazin. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie. Merci à tous, à Anna Fulpin, Chaïma Gibois, Marine Boudelier et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.